Book 2 94 حروف العطف 1 Conjonction 1 Conjonction 1 انتظر حتى يتوقف المطر Attends que la pluie cesse. Attends que la pluie cesse. انتظر حتى انتهي. Attends que je termine. Attends que je termine. انتظر حتى يعود. Attends qu'il revienne. Attends qu'il revienne. انتظر حتى يصبح شعري جافا. J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que mes cheveux sèchent. انتظر حتى ينتهي الفيلم. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. متى ستسافر للإجازة؟ Quand pars-tu en congé؟ Quand pars-tu en congé؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Avant les vacances d'été؟ Avant les vacances d'été؟ نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. متى ستأتي إلى البيت؟ Quand viens-tu à la maison? Quand viens-tu à la maison? هل بعد الدرس؟ Après le cours. Après le cours. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Oui, après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Après être allé en Amérique, Il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.